Qu'est-ce qui se passe? Tu en fais une tête. Je suis allée chez Brown et mon père y est allé aussi. Ils se sont mis d'accord pour t'arrêter. Mon père a proféré des menaces épouvantables. Et Brown a essayé de te défendre, mais à la fin il s'est effondré. Il trouve aussi que tu devrais disparaître de la circulation pour quelque temps. Mac, fais tout de suite tes bagages. Mes bagages? Mais tu n'es pas folle, elle est bien ici, Polly. C'est tout autre chose que j'ai envie de faire avec toi. Non, non, non, Mac, non. Non, nous n'avons pas le droit. J'ai eu tellement peur. Il ne parlait que de pendaison. Je n'aime pas que tu aies des lubies. Il n'y a absolument rien contre moi à la police. Hier, peut-être. Mais aujourd'hui, il y a des tas de choses. Tiens, j'ai apporté la copie de l'acte d'accusation. Oh, je ne sais pas si je retrouverai tout. C'est une liste qui n'en finit pas. Tu as tué 2 commerçants, commis plus de 30 cambriolages, 23 agressions à main armée, des incendies volontaires, des meurtres avec préméditation, des faux et des usages de faux en série, des outrages à la magistrature à n'en plus finir. Et le tout en 1 an et demi. Tu es un homme épouvantable, Mac. Et à Winchester, tu as suborné 2 sœurs mineures. Elle m'avait dit qu'elles avaient plus de 20 ans. Daddy Brown? Quand je sortais, il m'a grippé dans le couloir pour me dire que maintenant, il ne pouvait plus rien pour toi. Oh, Mackie. Mackie. Bon. Si je dois partir, tu prendras la direction des affaires. Oh, Mac! Ne parle pas d'affaires en ce moment! Je ne peux pas t'entendre parler de ça! Oh non! Embrasse encore une fois ta pauvre Polly! Et jure-moi que jamais, au grand jamais! Voilà le livre des comptes, assieds-toi. Voilà la liste du personnel. Nous avons d'abord Jacob le Bois-Crochu, voyons ce qu'il a rapporté. 1, 2, 3, 4, 5 montres en or, ça n'est pas beaucoup, mais c'est du travail propre. Non, non, ne t'assieds pas sur mes genoux, ça n'est pas le moment. Et ensuite, Walter Saul Pleureur. Un oiseau sur lequel on ne peut pas compter, traficote pour son compte personnel. 3 semaines de sursis, puis il a liquidé. Hein. Tu n'auras qu'à le dénoncer à Brown. Le dénoncer à Brown. Jimmy 2, un client sans principe, de bon rapport, mais sans principe, tu lui donnes un acompte. Hein. Je lui donnerai un acompte. Robert Lassi, spécialiste de la brocante à la petite semaine, pas la moindre étincelle de génie, ne finira pas sur l'échafaud, mais ne laissera rien à ses héritiers. Rien à ses héritiers. Pour le reste, tu feras exactement comme d'habitude. Tu te lèveras à 7h, tu feras ta toilette, tu prendras un bain de temps en temps, et ainsi de suite. Tu as raison, Mac, il faut que je serre les dents et que je m'occupe sérieusement de l'affaire. Ce qui t'appartient m'appartient aussi maintenant, pas vrai, Mackie? Que dois-je faire des chambres que tu loues en ville, Mac? Est-ce que je ne devrais pas les rendre? C'est vraiment dommage pour le loyer. Non, j'en ai encore besoin. Mais pourquoi faire? Ça nous coûte de l'argent. Non, mais dis donc, tu as l'air de croire que je ne reviendrai jamais. Mais comment? Il y en aura d'autres à louer à ton retour. Oh, Mac. Oh, Mac, je n'en peux plus. Je ne fais que regarder ta bouche et je n'entends plus ce que tu me dis. Est-ce que tu me seras fidèle, Mac? Mais bien sûr que je te serai fidèle, hein. Tu crois que je ne t'aime pas? Ce que je te demande, je te le donnerai aussi. Je vois un peu plus loin de toi, c'est tout. Oh, comme je te suis reconnaissante. Tu t'inquiètes de moi et pendant ce temps, les autres sont à tes trousses comme une meute. Tu continueras à envoyer le bénéfice net à la banque Jacques Poul et compagnie à Manchester. Entre nous soit dit, ce n'est plus qu'une question de semaine, puis je convertirai mes activités pour me consacrer uniquement aux affaires bancaires. C'est à la fois plus sûr et d'un meilleur rendement. Dans 15 jours au plus, tout l'argent doit être retiré de l'affaire. Alors tu iras chez Brown, tu livreras la liste du personnel à la police. En 3 semaines au plus, toute cette nuit de l'humanité aura disparu dans les cachots de la police. Mais Mac, comment peux-tu les regarder dans les yeux alors que tu les as rayés des vivants et qu'ils peuvent se considérer comme vendus? Comment peux-tu leur serrer encore la main? À qui? À Robert Lassi? À Mathias Poussmané? À Jacob Le Gautrochu? À tout ce gibier de potence? Messieurs, je suis heureux de vous voir. Je viens de recevoir le programme des festivités. Nous avons devant nous de rudes journées de travail. L'archevêque fait son entrée dans une demi-heure. À quelle heure? À 5h30. Il faut que nous partions tout de suite, Capitaine. Oui, il faut que vous partiez tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire, vous? En ce qui me concerne, je suis obligé d'entreprendre un petit voyage. Bon Dieu! Ils veulent tout de même pas vous mettre à Londres? Et c'est juste au moment où on prépare le couronnement, mais... Le couronnement sans vous, mais ce serait comme... Comme de la soupe sans sel. La gueule! À cet effet, je passe mes pouvoirs à ma femme ici présente. Polly? Les gars, je suis sûre que le capitaine peut partir tranquille. Hein? Que tout marchera comme sur des roulettes. Pas vrai, les gars? Oh, évidemment, ça me regarde pas, mais je sais pas si par les temps qui courent, une femme, hein? Oh, je dis pas ça contre vous, madame, mais... Qu'as-tu à répondre, Polly? Tu commences bien, salaud. Naturellement, c'est pas contre moi! Bon, ça y a longtemps que ces messieurs t'auraient déculotté. Ils t'auraient donné une bonne fessée. Pas vrai, messieurs? Il y a de ça, tu peux l'en croire. Oh, bravo, elle parle comme un livre, hein, même capitaine. Vive police! Vive police! Vive police! Le plus dégoûtant, c'est que je ne serai pas là pour la cérémonie. C'est une affaire de première envergure, 100% de bénéfice. Le jour, les appartements sont vides, et la nuit, toute la haute volée roule sous la table. À propos, Mathias, tu bois trop? Tu as encore laissé entendre la semaine dernière que c'est toi qui as incendié l'hôpital des enfants malades? Si une telle affaire se reproduit, tu es liquidé. Qui est-ce qui a incendié l'hôpital des enfants malades? En moi, capitaine. Qui est-ce qui a incendié l'hôpital des enfants malades? C'est vous, chevalier. Alors, en fin de compte, qui est-ce? C'est vous, monsieur Mackie. Évidemment, en ces conditions, aucun de nous n'arrivera jamais à s'élever. Tu t'élèveras toujours assez bien si tu te mets en tête de me concurrencer. As-tu jamais entendu dire qu'un professeur laisse n'importe quel assistant signer ses erreurs scientifiques? Non. Il signe toujours lui-même! Chère madame, commandez-nous pendant l'absence de monsieur votre mari. On fera les comptes tous les jeudis, chère madame. Tous les jeudis, les gars. Au revoir, madame Pauline. Au revoir, madame Pauline. Au revoir, monsieur Mackie. Au revoir, monsieur Mackie. Maintenant, au revoir, mon cœur. Soigne-toi bien. Et n'oublie pas de te farder tous les jours, hein, exactement comme si j'étais là. C'est très important, Pauline. Et toi, Mackie, tu me promets de te mettre tout de suite en route et de ne pas regarder une autre femme. Oh, ta Pauline ne te dit pas ça par jalousie, mais parce que c'est très important. Crois-moi, Mackie. Mais pourquoi voudrais-tu que j'aille m'occuper de ce vieux tableau, hein? Tu sais bien que je n'aime que toi. Dès que la nuit sera assez sombre, je prendrai mon coursier dans la première écurie venue. Et avant que la lune ne brille à ta fenêtre, je serai déjà derrière les marais.